fais voir si je capte. Ouais, là c'est bon. The Godfather of Voice. Oh, ouais, merci. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est cool.